j'suis en Reebok, j'suis dans ma bulle, j'suis pas que tu me bouques. T'es mon poteau, j'te montre où j'suis, mais mon poteau, faut pas que tu me bouques. Il me casse les couilles à la vie de pépé, cherche tout sans savoir où j'étais. J'suis devant le mic qui vient arrêter, pas de gang, pas de PGP. Il me casse les couilles à la vie de pépé, cherche tout sans savoir où j'étais. J'suis devant le mic qui vient arrêter, pas de gang, pas de PGP. Dans les rues, elle s'attrape que ça crie à Hawaii parce que y'a les poulets qui débarquent. Que si tu cours pas, ils t'embarquent. Que personne m'a fait la passe et j'ai marqué. Maintenant j'veux du map sur mon bar. Que j'veux pas me retrouver au parc. Que j'aime pas les troupeurs qui font remarquer. Dans le secteur, c'est miné trop. J'vois la patrouille dans le rétro. Y'a des hauts, des bas, on s'y fait gros. Tu changes de team, ça se fait pas. Tu fais tout bégo. J'te jaloux, tu m'aimes pas. Qu'est-ce que j't'ai fait, j'sais même pas. Je suis là, je me plains pas, venez pas me faire les aimes pas. J'suis jaloux, tu m'aimes pas. Qu'est-ce que j't'ai fait, j'ai même pas. Même quand j'suis là, je me plains pas, venez pas me faire les aimes pas. Moi j'suis au tchou, j'suis dans mes Nike, j'suis dans ma bulle, j'suis dans mes vibes, j'suis dans la brume, j'suis dans le vague, j'suis même plus là, j'suis dans les vapes. Non, je suis pas là, il faut pas chercher. Et même si je suis là, je vais pas rester. On ne comprend pas, je suis trop perché. Je suis dans l'espace comme Thomas Pesquet. Je fais que tout saboter. Quand je tire, ça passe à côté. Je rate jamais une occasion de rater une occasion. Je roule en voiture d'occasion. Et même les choses ne sont pas trop neuves. Je ramassais le blé comme une moissonneuse. Pêcher dans les eaux poissonneuses. Je veux le bonheur, la santé. Sourire d'N'Golo Kanté. Rester sur la plage à glander. Avec Ariana Grande. Je ne suis qu'un petit escroc lambda. Je connais le bitume comme Jani Longo. Ah oui, j'ai faim comme à Colanta. Je gagne à la fin comme Colombo. Ils me tirent dans les pattes, ils me tirent dans le dos. Mais je les plie comme Marie Kondo. On les refroidit, ils croient qu'ils sont chauds. Ils ne sont pas chauds comme Mister Dojo. J'suis pas néant, même avec des sous. Dur de croire à un monde meilleur. Faut le milliard, c'est pas New York. Se fait la guerre comme un bon air. Se vient d'ailleurs, viens dans my world. On veut champion comme le Bayern. J'peux te dire que si t'as fait du mal, t'arrêteras pas les balles comme Neuer. Faut pas calculer, c'est enculé. Le calculer, c'est reculer. J'ai reculé, faut tôt défiler. Il est bizarre l'être humain. Dans les rues, elle s'attrape que ça crie à Hawaii parce que y'a les poulets qui débarquent. Que si tu cours pas, ils t'embarquent. Que personne m'a fait la passe et j'ai marqué. Maintenant j'veux du map sur mon bar. Que j'veux pas me retrouver au bar. Que j'aime pas les troupeurs qui font remarquer. Dans le secteur, c'est miné trop. J'vois la patrouille dans le rétro. Y'a des hauts, des bas, on s'y fait gros. Tu changes de team, ça se fait pas. Tu fais tout bégo. J'suis jaloux, tu m'aimes pas. Qu'est-ce que j't'ai fait, j'ai même pas. Mais bro, j'suis là, j'me plains pas. Venez pas me faire les aimes pas. J'suis jaloux, tu m'aimes pas. Qu'est-ce que j't'ai fait, j'ai même pas.